بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد كي باب صلاة الخوف chapitre de la salat de la peur. Cette salat qui a lieu lorsqu'on fait face à un ennemi, qu'on le soit en voyage ou résident. Et les adilas de cette salat démontrent justement parmi les preuves montrant l'obligation de la salat en groupe. Car si même dans ce moment-là la salat reste légiférée, alors qu'on est dans les moments de paix. Donc les ulama se servent de ces adillas-là, sur lesquels il y a les preuves du kitab de la sunna et l'ijma, l'unanimité des savants, que cette salat est légiférée, d'accord, salat de la peur, celle-ci est une preuve que la salat en groupe est une obligation. Naam. D'accord, là. قال في الحديث التاسية والأربعين بعد المئة سكر النبي الحديث أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإذاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفة ركعة ركعة. Donc selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il dit qu'il a fait la salat, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accompli pour la salat de la peur à certains moments où il avait rencontré l'ennemi. Donc c'est lors du djihad. Donc de là, un groupe s'est tenu avec lui, c'est-à-dire derrière lui, pour faire la salat. Et l'autre groupe s'est mis face à l'ennemi. Et là, c'est la situation où, parce que cette salat, sa façon d'être accomplie peut différer en mesure de la situation. Si l'ennemi est face à la Qibla, si l'ennemi est derrière la Qibla, si l'ennemi est sur le côté, ainsi de suite. Cela peut varier. Et là, dans cette situation-là, il se trouve que l'ennemi n'était pas dans la direction de la Qibla. Ils étaient ailleurs. Ce qui fait que ceux qui ont salat peuvent faire face à la Qibla et n'ont personne devant eux. Donc là, un groupe des muslimines s'est mis face à l'ennemi, et l'autre groupe s'est mis derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam face à la Qibla pour faire une raka'at. Et lorsqu'ils ont fait cette raka'at, ils sont partis. Et les autres sont venus pour faire la deuxième rakat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ils ont changé leur place. Et de là, par la suite, chaque groupe a fini par compléter la rakat qui lui manquait. Donc ils ont fait la salat de deux rakat. Chacun une rakat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et chacun une rakat indépendamment, comme ils le pouvaient. Yaqulu fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen. Arawi, rapporteur, c'est Abdullah ibn Omar. موضوع الحديث بيان نوع من أنواع صلاة الخوف. Donc pour montrer une des façons de faire la salat de la peur. Car comme on l'expliquait, il y en a plusieurs façons. قال في الشرح الإجمالي, explication générale. يربي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى عزواته قبل النجد والعدو في غير جهة القبلة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. Donc ابن عمر informe que il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'une de ses batailles, dans le Najd. Et que l'ennemi n'était pas dans la direction de la Qibla. فَصَلَّ بِهِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتِ الْخَوْفِ فَجَعَلَهُمْ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةٌ مُقَابِلَةٌ لِلْعَدُوِّ تَحْرُسُ وَطَائِفَةٌ صَلَّتْ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ. Donc il a fait quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il les a divisés en deux groupes. Un groupe qui faisait face à l'ennemi pour le surveiller et l'autre groupe qui faisait la salat avec lui, une seule rakat. ثُمَّ انْصَرَفُوا وهم على صلاتهم فوقفوا في نحر العدو ثم جاءت الطائفة التي تحرس فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركع التي بقيت من صلاته وسلم بهم. Donc de là, une fois qu'ils ont fini la rakat, ils sont sortis tout en étant toujours en salat. Et l'autre groupe qui faisait la garde sont venus eux et ont fait la deuxième rakat avec le Nabi صلى الله عليه وسلم, pendant que le premier groupe qui faisait la salat sont en garde, en situation de surveillance, tout en étant en état de salat. C'est-à-dire la salat, ils n'ont pas coupé, ils ne sont pas en train de la faire, mais ils sont considérés comme étant en salat à ce moment-là. Donc le deuxième groupe ont fait la salat avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a complété avec eux. Ça fait qu'il a fait deux rakat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en groupe. Et chaque groupe a fait une rakat en groupe, avec lui. ثم طموا لأنفسهم وانصرفوا فوقفوا في نحر العدو ثم رجعت الطائفة الأولى فأتمت الركعة التي بقيت من صلاتها. Donc une fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son taslim, le deuxième groupe qui était avec lui a fait une deuxième rakat directement, tout en restant sur place, en direction de la Qibla. Et quand ils ont fini, ils ont pris la place des autres qui faisaient la garde, et ceux qui faisaient la garde sont revenus et ont complété la deuxième rakat qu'il leur restait à faire. Wa'akada. طيب يقول من فوائد الحديث مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها qu'il est légiféré de faire cette salat de la peur lorsque la cause est présente, lorsqu'il a un besoin, c'est-à-dire face à l'ennemi et qu'il y a un danger. ثانيا أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يقسم القائد الجيش أن الصلاة إلى طائفتين. Donc il est maintenant parmi les formes de salat de khouf lorsque l'ennemi n'est pas dans l'action de la qibla, d'accord, qui revient au à celui qui est au chef des troupes, de diviser en deux groupes et de faire comme cela a été cité dans le hadith. Un groupe qui fait salat avec lui, et l'autre groupe qui fait face à l'ennemi pour le surveiller. Ainsi de suite. Et après, ils s'échangent, comme on l'a dit dans le hadith. Thalithan, jawaz al-amal al-kathir fi salat al-darura, qui lui permet de faire beaucoup de gestes lors d'une salat si jamais il y a un besoin. Car là, vous avez bien vu, ils se déplacent, ils changent de lieu. Et en plus, ils font la garde, c'est-à-dire ils font beaucoup de gestes à ce moment-là. Et cela n'annule pas leur salat, car il y a un besoin. Rabi'an, wujub ittikhaz al-hazar min al-a'da bi kulli wasila, qu'il est obligatoire de prendre garde, se défendre de l'ennemi par tous les moyens possibles, étant légiféré, bien évidemment. Khamisan, wujub al-muhafaza ala salati fi waqtiha ala ayy hal kanat, et qu'il est obligatoire justement de faire la salat dans son temps, en toute situation. Et là qu'on a expliqué, toute situation, il parle, par exemple, si tu es en voyage ou quoi, ça c'est une autre chose. Ça c'est un autre cas. Sadisan, wujub salat al-jama'a ala rijal hadran wa safaran fi hal al-aman wa al-khawf, qui est obligatoire aux hommes de faire la salat en groupe, qu'ils soient résidents ou en voyage, qu'ils soient en moment de sécurité ou en peur, ou en moment de peur. Sabian, ana salat al-jama'a tudraku bi rak'at, la salat en groupe se rattrape ne serait-ce qu'avec une rakat. C'est-à-dire, s'ils font une salat en groupe et que tu arrives à la dernière rakat, c'est-à-dire tu arrives avant que l'imam se relève de recours, par exemple, ça c'est le dernier moment, ben cette rakat est comptée comme une. Et que tu auras eu la récompense de la salat en jama'a à ce moment-là. Non. Allah dit qu'il y a un hadith. Walhamdulillah bil alamin.